chanson est ma femme. Je l'aime et je la tease. Si un jour tu la touches, je te brise. Et si c'est le royaume des hommes, t'as pas le niveau. Nordo et oui, tiens ma, on est les numéros ou non. C'est ça duck, vas-y hallou le bibel. Albumi qui fatek, man yqtelkom qui zebel. Maxalkom qui nemel, deguin rap tounsi. Ça duck il est bia, j'ai dead alikom douci. Fais rapper, foutni chay, tekillek lahm knay. Nixetni chachay, istanbouli, ouen wali kil bay. L'hukom alik a'dem, haja din l'islam. Men touma kil yehoud, maxalkom fi had domain. Men fikom kain l'hasad, l'ananiya wal kذب. Eman had هذه قصة رابر انت فين وصلت كانك على صدق جاني كان رابر راب عملو كي تفادليك او خلي للي زمتر. La chanson est ma femme, je l'aime et je la tease. Si un jour tu la touches, je te brise. Et si c'est le royaume des hommes, t'as pas le niveau. Nordo et oui, tiens ma, on est les numéros ou non. Terroriste, imbattable, kamikaze. Les mots sortent de ma bouche comme les cartouches qui sortent du KLHFC. Bienvenue à l'univers de THC. J'ai tout ce qu'il faut, c'est 26 cartages. T'inquiète pas pour la thune, car aux réserves on a des millions. Bébé, goûte mes spermes, elles sont si chaudes et si bonnes. Moi et ma bande toujours prêts à tout moment. On défend nos secteurs comme Hezbollah et Taliban. Alors t'approches pas de ma cité, si tu le fais je te flingue. Car t'as pas mon niveau, putain regarde mes fringues. Troisième album qui te choque, qui te fait clic clac bang. Tornado, détruis tout avec mixtape gang bang. La chanson est ma femme, je l'aime et je la tease. Si un jour tu la touches, je te brise. Et si c'est le royaume des hommes, t'as pas le niveau. Nordo et oui, tiens ma, on est les numéros ou non. سبق الوقت زيد عيط انكار راهو ما وصلنيش صوتك. ما تضحكش معايا راني نتمنى لك موتك. ما قدر حد في الراب وما دامني نغني بلاش. ما تعطينيش عنوانك زاد راهو ما نتبعهاش. نخدم لك بصحتك ونزيد نجيب بها العطر فوق طبق الشوك مش فوق طبق الوالد تتحط. ما على بالي بيك بلوسي خوزي بوتانا زيد تسعى شوية باش توصل لتغني معانا. ما نغنيش مقياسك يعجب كيما طهر غرسة. هيبوب بالشارع شنع من لاقولة المرسى. في صغري حفظت القجمي مش نشودات الميعاد. حبينا الأوروبا بلوس كرهنا من البلاد. أكرهني كي تسمعني كيما تكره موتك. سكيوي لافوا في الراب اليوم أخويا بكش صوتك. La chanson est ma femme, je l'aime et je la tease. Si un jour tu la touches, je te brise. Et si c'est le royaume des hommes, t'as pas le niveau. Nordo et oui, tiens ma, on est les numéros ou non.